Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. J'accepterai même de me faire battre pour vous. Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. J'accepterai même de me faire battre pour vous. Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. J'accepterai même de me faire battre pour vous. Sur le dos. Tant qu'à faire. Autant que j'en profite encore un peu. Bien sûr. Il voit tout de même que j'avais raison, hein? Comme toi que je vois comment il sera par derrière. Pourquoi as-tu changé d'avis? Que je dépense tout cet argent. Il est à toi et pas à moi. Ah, tu me prends pour un imbécile, hein? Un sale gars! Tu penses que tu es un imbécile? Eh ben, tu penses plus maintenant!